Voici votre bulletin régional. Le 24 janvier, à Ascot Connor, dans le cadre du carnaval, se tient un challenge VTT organisé par le Chevalier de Colomb. Ouverture du site à 9h30 sur le chemin de la rivière. Coût 5$ par personne, gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Le soir, à 17h30, souper et soirée dansante pour tous à la salle Aurélien Rivard. Achetez vos billets au coût de 20$ auprès d'un membre de la FADOC d'Ascot Connor. Le 24 janvier, le groupe préféré des enfants, les Petites Tounes, sont en spectacle à la salle Serge Poirier de la polyvalente Louis-Saint-Laurent Distinguis à 13h30. Réservation 819-560-8600. Toute la journée, le 24 janvier, Dodswell tient ses activités Plaisir d'hiver. L'avant-midi, de 10 à 13 heures, ça se déroule au parc G. McCauley, secteur Bishopton. Tournoi de poche, tournoi de pétanque, jeux gonflables, dîner hot-dog, soupe, breuvage chaud, gratuit. L'après-midi, de 13h30 à 18h, on se transporte au parc Gigouin, secteur Marbleton, pour jeux gonflables, tournoi de hockey, patinage sur anneau de glace, souper hot-dog, soupe, breuvage chaud, gratuit. Remise des prix pour les gagnants des tournois. Une formation sera donnée pour les 13 ans et plus qui souhaitent être embauchés pour animer les 0-5 ans lors des événements communautaires. C'est gratuit. La formation a lieu le samedi 24 janvier au 85 rue du Parc Courchir. Inscription auprès d'Animation Jeunesse 819-943-4571 ou ajeunesse.hsf@live.ca. À 8h30 le 27 janvier, à la salle du Chevalier Colomb Distinguis, l'Antourlaine tiendra son déjeuner brunch. Réservation avant le 24 janvier au 819-832-2656. À 14h le 25 janvier, au Centre culturel de Whedon, on présente Turquie, un film d'Alain Bouchard. Il s'agit d'un film de la série Aventure. À Distinguis, partie de carte des filles d'Isabelle Cercle Saint-Louis, numéro 662, le 25 janvier à 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb Distinguis, au profit de l'église Saint-Louis de France. Coût 3$. Belle loterie et goûter. Bienvenue à tous et à toutes. Information 819-832-2360. Dimanche le 25 janvier, dîner spaghetti à la salle des loisirs de Saint-Isidore de Clifton, de 11 à 13 heures, pour le financement des activités des enfants de l'école des Trois-Cantons. Coût adulte, 10$, enfants de 12 ans et moins, 5$. À Ascot Connor, le 25 janvier, dès 9 heures, dans le cadre du carnaval de l'endroit, a lieu le tournoi de hockey des enfants de la municipalité. À 14 heures, les personnalités masculines de la municipalité se disputent un match de hockey sur la patinoire du parc Pomerlo. Aussi à 14 heures, l'école Dicor Danse offre gratuitement un cours de danse à la salle Aurélien Rivard du Centre multifonctionnel.